Bosco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Un vieil homme âgé de 65 ans, originaire de la colline Kanyami en commune et province Ngozi, sous les verrous depuis ce mercredi. Il est poursuivi pour viol présumé sur mineur. Le gouvernement burundais envisage la révision du statut et de l'organigramme de la régie de distribution d'eau et d'électricité, la régie des eaux. La question a été analysée en Conseil des ministres lundi. Et 3 cas positifs de choléra en provenance de la zone Gitaza de la commune Mout en province Rumonge ont été admis à l'hôpital depuis ce mardi. Dans la chronique sur les messages de haine, nous évoquerons la transmission non violente des mémoires sur base de la tragédie de 1997 au petit séminaire d'Obuta, c'est en province de Bururi. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Beaucoup de maisons et champs de culture ont été endommagés par des pluies torrentielles tombées ce jeudi vers 15h en Ngozi. Ces intempéries n'ont pas jusqu'à présent causé de dégâts humains, selon Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, qui dit n'avoir pas encore eu de rapport détaillé. Les victimes de ces précipitations qui n'ont pas pour le moment où loger demandent de l'aide des âmes charitables. Vous aurez compris que ce sont des pluies torrentielles tombées ce mercredi. Et un vieil homme de la colline Kanyami, en commune et province Ngozi, est sous les verrous depuis ce mercredi, accusé de viol sur 3 fillettes de moins de 10 ans. Les associations de défense et de promotion des droits de l'enfant demandent l'application stricte de la loi en cas de culpabilité de cet homme de 65 ans. La police dit avoir déjà entamé des enquêtes afin de mettre ce dossier devant la justice. Apollinaire Muzagara. Cet homme de 65 ans a été arrêté par la police, accusé d'un viol d'une fillette de 9 ans. Après, 3 parents avec leurs enfants, l'une de 6 ans, l'autre de 7 ans et la dernière de 9 ans, se sont rendus aux associations de défense et promotion des droits des enfants et aux responsables provinciaux du ministère de la Solidarité nationale. Après les examens médicaux, il a été prouvé que ces innocents ont été bel et bien violés. Des informations émanant de ces défenseurs des droits de l'homme et même de Kanyami indiquent que ce sexagénaire trompait ses enfants en leur donnant de la nourriture et de les violer après. Les habitants de cette localité soupçonnent même que ce dernier aurait déjà violé plus d'une dizaine de telles fillettes. Les associations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme en général et de l'enfant en particulier en Ngozi comme le FENADEB déplorent ces actes commis et demandent à la justice de faire son travail afin de sanctionner l'auteur s'il est jugé coupable. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Poursuite ce mercredi du procès de l'ancien Premier ministre, le général Alain-Guillaume Wignoni et ses co-accusés. Il s'est exprimé sur 2 accusations, dont l'atteinte à l'économie nationale et la prise illégale d'intérêts, accusations qu'il a rejetées. On rejeté aussi leurs accusations, le colonel de police Désiré Ouamahoro et Bafoumoukeko Samuel Destino, tous accusés de révélation de secrets professionnels. Le procès va continuer ce jeudi, toujours à la prison centrale de Gitega. Nous appelons notre correspondant Gérard Nibigira. Concernant la première accusation d'atteinte à l'économie nationale, le ministère public a accusé cet ancien haut dirigeant du pays d'avoir stocké à son domicile des devises, ce qui a perturbé l'économie nationale, notamment les importations de différentes marchandises qui nécessitent de devises. L'accusé a rejeté en bloc cette accusation, disant qu'une partie de son argent en monnaie étrangère était gardée à son domicile pour des usages instantanés et d'autres gardés à la banque, mais que des mouvements de retrait versement à ses comptes prouvent la circulation de la monnaie à l'intérieur du pays et que donc cela n'a pas du tout porté atteinte à l'économie nationale. Quant à la deuxième accusation de prise illégale d'intérêt, le ministère public lui a accusé d'avoir loué sa maison à l'État pour un montant de 15 millions par mois. Une maison qui était occupée par le ministère de la Sécurité publique. Le ROSC, le général de police Alain-Guillaume Bougnoni, était à la tête de son ministère. Son gradé de la police s'est exprimé en disant que le contrat de bail de cette maison était entre son épouse et l'État burundais, représenté par le ministère des Finances Finances et le ministère en charge des travaux publics et que donc le contrat n'était pas entre lui et l'État représenté par ces deux ministères et que donc il n'y a aucune infraction à son compte. Une autre personne qui a comparu ce mercredi dans son procès, c'est le colonel de police Désiré Ouamahoro qui fut à la tête de la brigade anti-émeute. Ce dernier est accusé par le ministère public de révélation de secrets professionnels en parlant aux gens de l'émission d'un mandat de fouille perquisition au domicile de l'ancien premier ministre, une fouille effectuée le 17 avril 2023. L'accusé a rejeté cette accusation. À propos de la même accusation, le ministère public a accusé une autre personne, en l'occurrence Bafoumoukeko Samuel Destino, ancien cadre du Service national des renseignements, d'avoir signalé à l'ancien premier ministre de cette opération de fouille perquisition, chose rejetée par son prévenu. Les deux accusés de cette infraction de révélation de secrets professionnels ont montré qu'ils n'ont pas fait partie de l'équipe de préparation et d'exécution de ce mandat de fouille et perquisition au domicile de l'ancien premier ministre et que donc celui qui a révélé ce secret professionnel doit figurer parmi les membres de cette équipe de préparation et d'exécution de ce mandat. Ce procès va se poursuivre ce jeudi. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le Burundi s'apprête à poser sa candidature à l'initiative pour la transparence des industries extractives et à mettre en place un régime fiscal transparent, équitable et compétitif pour tous les investisseurs miniers. Dans un compte rendu du Conseil des ministres ce lundi, le porte-parole du gouvernement dit que la reprise des négociations des contrats miniers suspendus depuis 2021 figure dans le plan d'action présenté par le ministre de l'Énergie et des Mines en vue de rendre plus rentable ce secteur. Le Conseil des ministres recommande la mise en place d'une équipe chargée de mener ces négociations sur tous les contrats litigieux. Suivez le porte-parole du gouvernement Prosper Naourgouami. Le Burundi dispose d'un potentiel minier considérable non encore exploité qui pourrait être mobilisé pour créer une source importante de revenus et d'emplois. Néanmoins, l'État considère que cette contribution reste en deçà des attentes de la population. Et face à une perception généralisée d'un faible apport du secteur, la décision a été prise en 2021 de suspendre la plupart des contrats miniers dans l'attente des nouveaux codes miniers. Ce dernier a été promulgué en août 2023 et introduit beaucoup d'innovations. Dans le souci de rendre plus rentable le secteur minier, un plan d'action de développement de ce secteur a été élaboré. Ce plan pour le développement du secteur minier s'articule sur les lignes suivantes. Le renforcement des capacités institutionnelles et la réforme institutionnelle de l'administration du secteur minier et géologique. La promotion de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur minier, avec annonce de la candidature du Burundi à l'initiative pour la transparence des industries extractives. La mise en place d'un régime fiscal transparent, équitable et compétitif pour les investisseurs miniers. Le renforcement de la traçabilité et de la certification des minerais et l'encadrement des activités d'exploitation artisanale. L'intensification des activités de recherche géologique et minière visant la promotion des investissements dans le secteur. L'amélioration de la gestion et de la protection de l'environnement minier. La promotion des compétences, de l'emploi et des achats auprès des entreprises nationales. L'optimisation des retombées économiques minières. Reprise des négociations des contrats miniers suspendus en 2021, le plan d'action a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. Élaborer le calendrier sous forme de tableau avec des colonnes montrant les actions à mener, la personne responsable et la période d'exécution. Mettre en place une équipe chargée de mener des négociations pour tous les contrats présentant des litiges. Prosper Naourgouami est porte-parole du gouvernement burundais en Conseil des ministres. Le gouvernement du Burundi qui compte également revoir le statut et l'organigramme de la régie de distribution d'eau et d'électricité, et régie des eaux. Ainsi, le directeur général et les directeurs seront nommés après concours, alors qu'auparavant le mode de nomination n'était pas clair. Au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de remplacer le représentant du personnel par des experts au niveau du du conseil d'administration. Le Burundi veut donc actualiser le capital social de la régie des eaux par la révision du projet de décret en vigueur. Suivez plutôt Prosper Norgwami. Les raisons majeures qui ont milité pour revoir les statuts et l'organigramme de la régie des eaux sont axées sur la réforme profonde de l'entreprise, à savoir les statuts en vigueur qui datent de 1997 ne sont plus en conformité avec d'autres textes intervenus après. Le capital social n'a pas été revu depuis des années. Les statuts actuels ne montrent pas exactement le mode de nomination des directeurs, alors que pour plus d'efficacité, il faut que les candidats soient nommés après un concours de sélection. La structure organisationnelle de la régie des eaux est en déphasage avec les activités qui se sont multipliées, d'où la nécessité de créer deux autres directions compte tenu de l'ampleur des activités au niveau de la direction générale. Au niveau des régions, chaque centre aura un service de l'eau, un service de l'électricité et un service commercial qui vont rendre compte aux différents directeurs. Après échange et débat, le projet a été adopté avec les recommandations suivantes. Actualiser le capital social de la régie des eaux parce que celui proposé date des documents anciens. Au niveau du conseil d'administration, remplacer le représentant du personnel par deux experts ayant des compétences particulières en la matière. Le représentant des consommateurs industriels au conseil d'administration devrait être désigné par l'association des industriels du Burundi. Supprimer les délais accordés au ministre de tutelle pour réagir aux décisions du conseil d'administration. Supprimer proposition de remboursement des frais et dépenses générées par la participation d'un administrateur aux réunions du conseil des ministres car il perçoit des jetons de présence. Mettre en place un recrutement compétitif ouvert pour le directeur général et les directeurs et proposer les trois premiers retenus à chaque poste pour nomination par décret. Insérer un article qui précise les causes de cessation de fonction. Pour ce qui est du mandat du directeur général et des directeurs, supprimer la limitation à un seul renouvelable pour que celui qui fait preuve de compétence et de performance puisse voir le mandat renouvelé autant de fois que de besoin. Prosper Nahourouamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Trois cas positifs de choléra ont été admis à l'hôpital, en provenance de la zone Gitaza de la commune Mouhouta en province Rumonge, cela depuis ce mardi. L'administration communale confirme ces informations et appelle au respect des règles d'hygiène. Ces personnes totalisent 18 cas de choléra rapportés en province Rumonge depuis le 14 septembre 2023, quand le premier cas a été déclaré dans la ville de Rumonge. Jean-Pierre Misago. Des informations obtenues de certains des habitants de Gitaza indiquent que les trois cas de choléra confirmés et admis à l'hôpital ce 7 novembre courant sont tous des enfants provenant de la colline Mouhouta de la zone Gitaza. Scolastique Nyon Xavier, administrateur communal de Mouhouta, confirme ces informations. Elle indique que l'administration communale a du coup suspendu dès ce 7 novembre courant tout commerce ambulant à Gitaza et appelle la population au respect des normes hygiéniques pour tenter de stopper cette épidémie, précisant qu'il n'y a pas manque d'eau potable dans cette localité. Concomitamment, la Croix-Rouge du Burundi, branche provinciale de Rumonge, est à pied d'œuvre pour désinfecter la localité concernée. Ces cas de la commune Mouhouta portent à 18. Le nombre de cas de choléra rapportés en province de Rumonge depuis le 14 septembre 2023, les 15 cas rapportés en commune de Rumonge ont été tous traités et sont tous guéris, selon des sources médicales et administratives à Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Le carburant de type essence et mazout n'est pas servi à la satisfaction des clients à cause des faibles quantités que possèdent les stations-service, comme a pu le constater notre reporter. Sur 5 stations-service visitées sur la chaussée Melchior Ndadaye, seules 3 servent de l'essence. La station Moga, située au quartier asiatique près de l'ancien département des sports, n'a pas de carburant, alors que la station-service Interpétrole, située en face de l'Office national de la tourbe, ne sert que ses abonnés en essence et en mazout. Mais notre reporter a également pu remarquer que le prix récent fixé par le gouvernement et respecté sur toutes ces stations. Omer Ndouayo. vers 10h39 du matin à la station service Delta située sur la chaussée Melchior Ndadaye dans le quartier asiatique. Le carburant de type essence est disponible, mais la distribution n'est pas au courant suite au manque du courant électrique, alors que même le groupe électrogène qui générait du courant lors de la coupure à cette station n'est plus fonctionnel. Tout à coup, 15 minutes plus tard, soit à 10h54, la station est alimentée en courant électrique et les pompes fonctionnent normalement. Ceux qui ont besoin d'essence sont servis. Nous avançons un peu vers la station Mogas. Celle-ci est à sec, mais à quelques 40 mètres en avant, la station Kobil, qui est à côté de la Braroudi, est en train de distribuer l'essence. Les consommateurs n'y font pas beaucoup de temps. La station siège de l'Interpétrole, qui est près de l'Office national de la tourbe, possède le carburant de tout type, mais elle ne le sert que ses abonnés. La station Interpétrole, se situant près du rond-point d'Ichanik, n'a pas du carburant. Ceux qui ont été servis sur les stations qui étaient au service se disent satisfaits. Nous ne faisons pas beaucoup de temps sur les files d'attente, c'est bon. Au cas contraire, les consommateurs en quête du mazout ne trouvent pas facilement ce produit. Une seule station, dite Kobil, située près de Sabemeli, le distribue. Considère le temps mis sur la queue. Celui-ci seulement des pertes enregistrées. Même si les prix du carburant ont été revus à la baisse, ces produits ne sont pas suffisamment disponibles. On ne sait pas pourquoi. Je suis passé par Roziba à la recherche du mazout. Je n'ai pas trouvé. À Kanyosha, mais même. Je viens de le trouver à la station Kobil d'ici à Sabemeli. J'ai mis trop de temps. Les pertes ne peuvent pas manquer. Il demande que le carburant soit disponible en quantité. Même son de cloche des passagers qui estiment que la disponibilité du carburant va causer la baisse des prix des denrées de première nécessité. Nous voudrions que le carburant soit disponible en quantité suffisante et que les prix de transport soient également revus à la baisse. Sinon, nos salaires mensuels restent insuffisants. Toutes les stations qui étaient au service distribuaient le carburant au prix récemment fixé par le gouvernement. Parle, rassure-moi. Des élèves du petit séminaire de Bouta où 40 élèves ont été tués suite aux tensions ethniques en 1997 affirment qu'ils vivent dans l'harmonie et qu'ils ne peuvent pas céder aux manipulations. Cela est confirmé par l'abbé Oscar Nizigama, recteur de ce petit séminaire qui se trouve à Bururi et qui rassure que les éducateurs évitent tout message divisionniste à l'endroit de ses élèves. Le conseiller du gouverneur chargé de l'administration et des finances en province Bururi, Louis Hindouimana, ajoute que des conseils sont privilégiés à l'endroit des cas d'élèves tentés par les messages de haine. Ornella Mucho. Ce sont certains élèves du petit séminaire de Bouta, dont Bonheur Ida Gange, Habyalimana Bruce et Teteka Edgar, qui affirment qu'ils sont bien armés pour ne pas céder aux manipulations divisionnistes malgré l'histoire douloureuse de cette école. Ils disent que c'est grâce aux sensibilisations des responsables de cette école. On essaie d'en parler en montrant que c'est simple, que ce sont des événements du passé. On montre qu'il n'y a pas d'importance à reparler de ce qui concerne l'ethnie. On évite de déterrer ce qui a été déjà enterré. Éviter aussi que les Burundais se remettent à s'entretuer à cause de ces histoires d'ethnie. Ça fait un an ou deux qu'on est ici. Pour le nouveau, lorsque tu leur parlais de ça, ils réagissaient comme si c'était quelque chose de grave. Je suis venu de Bujumbura. Je ne savais rien. Je ne l'ai su que lorsque je suis arrivé ici. Ils nous ont dit qu'ils ont tous été tués et emportés par une rivière. Ils ne donnent pas de précision sur ces faits. Ils nous disent seulement que c'était des combattants. Et lorsqu'on me raconte cela, je trouve que malgré la mésentente entre certains, il y avait d'autres qui se distinguaient. Ces derniers gardaient de l'amour envers autrui. Le recteur du petit séminaire de Bouta, l'abbé Oscar Nizigama, indique que cela est dû aux stratégies utilisées depuis longtemps par cette école dans la transmission non violente des mémoires en milieu scolaire. À ma connaissance, vraiment, je n'ai enregistré aucun comportement ou message ou échange entre eux incitant à la haine et à base ethnique. Franchement, non. Si cela arrivait, notre réaction, elle est simple, c'est les rassembler, leur donner un message qui les unit, un message qui leur montre qu'ils partagent le même destin pour cette nation que Dieu nous a donnée. Nous les préparons à être demain de bons citoyens, de bons serviteurs de Dieu. Et s'ils entretiennent entre eux des messages de haine, comprenez, si cela arrive, que Dieu nous en protège. Et cette communauté serait touchée très négativement. Et tout autour aussi, le milieu serait affecté. Je ne m'y attends pas vraiment. J'envisage pas le pire là-dessus. L'abbé Léopold Mboukié, éducateur à cette école, qui a vécu cet événement, conseille les gens d'éviter toute forme d'incitation à la haine, surtout chez les jeunes. Comme d'habitude. Je conseille à toute personne qu'il faut toujours raconter le passé douloureux, en commençant par de bons exemples, cela pour éviter de blesser l'une ou l'autre. On connaît qu'il y a ceux qui ont sauvé des gens, des groupes ethniques différents, et ceux qui ont refusé de montrer là où certains sont cachés. Il faut partir de là afin de prévenir la criminalité. Le conseiller du gouverneur de Bururi, chargé de l'administration et des finances, Ndouimana Louy, indique que l'administration collabore avec les écoles dans la lutte contre les messages haineux. Lorsqu'on constate que l'élève a dépassé les bornes, les responsables de cette école doivent prendre le devant pour conseiller cet enfant et l'administration intervient dans le cas où il devient récalcitrant. On privilégie beaucoup des conseils que des punitions. Tous reviennent à ce que la violence de masse ne survient jamais en l'absence de messages haineux. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.